C'est toujours un plaisir pour moi de venir à l'INSPE de Lille pour la qualité de l'accueil d'une part, et puis d'autre part parce que c'est toujours pour moi très intéressant de rencontrer des professionnels actuels ou futurs professionnels du champ de l'éducation pour parler de ces questions du sexe, du genre et des égalités ou inégalités entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. Alors je vais d'abord poser un petit peu un cadre pour rappeler que notre école républicaine, même si ça ne nous plaît pas trop, est quand même toujours très inégalitaire. D'ailleurs, les derniers résultats de l'enquête PISA publiée hier rappellent que la France reste une école inégalitaire. Mais très souvent, on focalise sur la question des inégalités de classe sociale, et puis on a bien raison, parce qu'elles sont très présentes, très prégnantes, très résistantes. Mais c'est vrai qu'en sociologie de l'éducation, ce sont ces inégalités-là qui ont préoccupé les sociologues de l'éducation dans les années 60, les travaux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, par exemple, qui considéraient d'ailleurs que la variable sexe était une variable secondaire. Hein, donc on n'en parlait pas trop. Donc en France, parce qu'on était un peu en retard par rapport aux pays anglo-saxons, il faut attendre la fin des années 80, début 90, pour voir des sociologues et des collègues des sciences de l'éducation commencer à mettre à plat des recherches qui démontrent que l'école ne fonctionne pas pareil pour les filles et pour les garçons. Je pense un des premiers livres de Nicole Mosconi sur la mixité dans l'enseignement secondaire, un faux-semblant, hein, 1989, puis l'école des filles de Marie Durubella en 90, et puis Aller les filles en 91 de Christian Baudelot et Roger Establet, pour resituer les premiers. Voilà. Alors, je suis toujours très attachée aux mots, aux termes, à leur définition, parce que je pense que c'est ça qui structure notre pensée et qui permet une meilleure communication. Donc, le genre, donc on en parlera, qu'est-ce que c'est que le genre, l'agent des inégalités. Alors, peut-être commencer par là. Rappeler que différent et égal, c'est pas ça qu'on doit mettre en confrontation. Différence, c'est l'opposé logique de identique. On est pareil ou pas pareil. Ce sont deux principes du monde du vivant, ou de la biologie, si vous voulez. Le monde du vivant est fait d'éléments pareils ou pas pareils. Il n'y a pas de hiérarchie pour autant. C'est juste pareil ou pas pareil. Par ailleurs, on a deux autres couples d'opposés logiques qui, eux, sont des concepts politiques, des principes politiques, et la question de l'égalité et de l'inégalité. Donc l'égal et l'égalité s'oppose à l'inégalité, évidemment, réciproquement. Le problème, c'est qu'on croise dans nos représentations, bien souvent, enfin, pas nous ici, mais les autres, le différent et l'inégal. Souvent, on entend les gens nous dire « oui, enfin, on n'est pas pareil hein. ». Donc c'est normal qu'en gros, on n'est pas égaux. D'ailleurs, les gens emploient le terme d'égal à la place de différent. Et donc, en ce qui concerne les filles, les garçons, les femmes et les hommes, tellement ancrés dans cette idéologie de la différence incommensurable des sexes, eh bien, on trouve tout à fait normal que filles et garçons, femmes et hommes n'occupent pas les mêmes rôles, ne soient pas dans les mêmes places, etc., et que ce n'est pas des inégalités, c'est juste des différences. Et que par ailleurs, évidemment, finalement, pour être en situation d'égalité, il faudrait d'abord, au départ, être identique. Alors ça, c'est quand même facile, parce que c'est plus facile de produire de l'égalité avec du pareil que de l'égalité avec du différent. Or, l'espèce humaine, le vivant est fait de différents. Il y a parfois de l'identique, mais il y a quand même beaucoup de différents. Donc les filles, les garçons, les hommes et les femmes, on est à la fois pareil et pas pareil. Donc, la première chose qu'on doit faire un peu dans nos têtes, parce qu'on verra qu'en fait, en matière de lutte contre les inégalités, le premier outil, ça va peut-être être nous, hein, avant d'évoquer les autres. Dans notre tête, c'est ça, c'est de faire disparaître ces flèches rouges. Voilà, et de pas confondre inégal et différent, en tout cas. Trois autres termes aussi sur lesquels j'ai envie de me poser une minute. Égalité, mixité, parité, parce qu'assez souvent, il y a des dérives maintenant où on emploie ces mots-là un petit peu parfois les uns à la place des autres. Et c'est un petit peu dommage parce qu'ils sont liés entre eux, comme je le montre sur ce schéma, mais ils ne veulent pas exactement dire la même chose. Je vais commencer par mixité. Donc, si on va voir dans le dictionnaire, mixité, c'est caractère de ce qui est mixte. Ça, c'est le propre des dictionnaires. Donc, on va voir ce que veut dire mixte. C'est ensemble d'éléments naturels, d'éléments différents. Voilà. D'éléments différents. Alors, oui, d'accord, quand on parle de mixité entre les filles et garçons, ils sont différents. Sont-ils aussi différents que ça et à quel point de vue? Donc, la question de la mixité, enfin, c'est pas la question de la mixité, c'est l'usage de mixité, moi, me pose problème. Donc, c'est un terme que je n'ai plus trop envie d'employer. Éléments de nature différente, ça y est, je l'ai retrouvé la définition. Il y a le mot nature, voilà, éléments et mixte. Un ensemble composé d'éléments de nature différente. Donc quand on fait des brochettes mixtes, je veux bien croire, mais là quand même on pose qu'il y a une question entre les filles et garçons, les hommes et femmes, de nature différente. Et ça va être la porte ouverte à plein d'autres choses. Donc on peut parler du mélange des sexes, etc. Mais la mixité, vous voyez, c'est un terme déjà qu'il faudrait commencer à regarder avec un tout petit peu de circonspection. Alors, parité. Alors, la mixité, elle n'induit pas l'égalité en soi. C'est pas parce qu'il y a des ensembles composés d'hommes et de femmes qu'ils sont forcément des ensembles égalitaires. Mais la mixité, quand même, est un objectif. Il n'y aura pas d'égalité sans mixité. Et la mixité, c'est quand même un principe de liberté pour le plus grand nombre. La parité, évidemment, elle est composée de mixité, puisque la parité, c'est un ensemble fait d'un nombre égal de personnes appartenant à des catégories différentes, dans les commissions paritaires, par exemple, entre les employeurs, les salariés, les organisations syndicales, un ensemble paritaire d'hommes et de femmes, où il y aurait 50% d'hommes et 50% de femmes. Mais la parité et un ensemble paritaire concernent toujours des instances de décision et de pouvoir. Donc c'est toujours une structure qui a un pouvoir décisionnel. Par exemple, un conseil d'administration, il se doit d'être paritaire sur le plan, par exemple, de la présence des hommes et des femmes. Un jury se doit d'être paritaire puisque c'est une instance d'évaluation et de décision, une instance de pouvoir. Il n'y a aucun sens à parler de parité des filières de formation ou de parité dans les métiers. Les filières de formation ou les métiers ne sont pas des instances de décision et de pouvoir. Donc là, on va parler de mixité équilibrée ou pas équilibrée, mais certainement pas de parité. Alors le terme de parité est très souvent employé à la place du terme de mixité. Et la parité, évidemment, c'est une des conditions aussi de l'égalité. Donc la mixité et la parité sont à la fois des fins et des moyens pour parvenir à de l'égalité. Donc c'est le lien qu'entretiennent ces trois termes. Se dire aussi que quand on veut combattre les inégalités, quelle qu'en soit la source, et pas seulement les inégalités de sexe, il y a toujours ces trois étapes à franchir. Il faut d'abord mesurer, savoir de quoi on parle, où sont ces inégalités, quelle ampleur ont-elles. Deuxièmement, il faut essayer d'expliquer ce qu'on vient de mesurer. Et puis troisièmement, c'est comme ça qu'on va pouvoir envisager l'action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait sur qui, sur quoi et comment on va pouvoir agir pour faire bouger ce qu'on a mesuré en première étape. Et puis trop souvent, c'est vrai qu'on est propulsé sur le agir, ce qui est un petit peu légitime, quoi. On a envie de faire bouger les choses, quoi. Et du coup, on occulte souvent les deux premières étapes, qui sont les véritables outils en fait, de l'action. Alors comment sait-on qu'il y a des inégalités de sexe à l'école ? Eh bien, on va le voir d'abord, rapidement, parce que je pense que vous les avez déjà en tête et un peu vus, les chiffres de l'orientation. L'orientation, c'est le plus puissant révélateur au sein de l'école qu'on ait sur la présence des inégalités sociales, de classe sociale, d'origine, de sexe, de territoire, de situation de handicap, etc. Et ces chiffres-là, ils font preuve. C'est-à-dire qu'ils vont nous permettre de combattre les représentations, les opinions des uns et des autres. Donc les statistiques, c'est important parce que c'est vraiment déjà des outils d'action, finalement. Donc comment on sait qu'il y a des inégalités de sexe à l'école ? On va le voir par les chiffres, mais aussi évidemment par tous les travaux de recherche menés depuis 40-50 ans en France et ailleurs, qui démontrent comment le fonctionnement lui-même de l'école en interne, comment on crée, on produit des discriminations systémiques, comment on, c'est pas qu'on produit, mais on reproduit, on pérennise les normes de masculinité et féminité, les rapports sociaux de sexe, les stéréotypes de sexe. Donc c'est pas à l'école que les inégalités se créent. L'école, elle est travaillée par les inégalités sociales avec lesquelles arrivent déjà les élèves, dès la maternelle. Mais c'est un lieu de socialisation et un lieu de transformation extrêmement puissant, l'école. Donc on ne va pas lui reprocher de fabriquer les inégalités. Ce qu'on va reprocher à l'école, c'est de rien faire contre. C'est de se laisser traverser par ça et de les laisser vivre, ces inégalités, que révèlent d'ailleurs les chiffres d'orientation ou que révèlent les enquêtes PISA, comme celles que j'ai citées rapidement déjà tout à l'heure. Les chiffres sont accessibles depuis hier sans aucun problème. Il s'agissait de la maîtrise de l'écrit cette fois-ci. Alors, rapidement, les chiffres de l'orientation, fin de troisième. Bah, déjà là, on a un révélateur. Hein. C'est près de 40% des garçons qui vont aller dans l'enseignement professionnel pour 28% des filles. Donc là, les garçons sont plus orientés vers l'enseignement professionnel que les filles parce qu'on pense bah, déjà qu'ils sont un peu remuants, qu'ils vont faire des études courtes, ils iront travailler, ça va les calmer un peu. Et puis que dans l'enseignement professionnel, il y a beaucoup plus de filières pour les garçons que pour les filles, ce qui est absolument faux théoriquement. Depuis 1975, toutes les filières de formation sont mixtes, ont obligation de mixité. Mais vous voyez, dans les représentations, on se dit, en lycée pro, ou a fortiori dans l'apprentissage, 70% des apprentis sont des garçons, eh bien, il y a tous les métiers de la mécanique, tous les métiers de l'électronique, l'électricité, etc., les métiers du bois, les métiers de ceci. Et tout ça, c'est pour les garçons, on ne va pas y envoyer des filles. Puis pour les filles, ben, il y a peu de filières, hein, soins à la personne, aide à la personne, petite enfance, esthétique, enfin, voilà. Donc on va laisser passer les filles plus nombreuses, vous voyez, dans l'enseignement général et technologique, 68%, pour seulement 57% des garçons. Ce qui fait que les garçons qui rentrent en lycée général et technologique sont plus sélectionnés, du point de vue de la classe sociale. Parce que, n'oublions pas au passage, que presque 100% des élèves qui fréquentent les lycées professionnels sont des enfants des classes défavorisées et dans certains endroits issus de l'immigration, mais pas de n'importe quelle immigration. Je ne parle pas des Québécois ou du sud-est asiatique. Donc là déjà, vous voyez, chaque fois qu'on a une disparité statistique comme ça, ça doit nous interpeller. À moins qu'on pense qu'il y ait une nature de filles et nature de garçons qui les prédisposent à des filières différentes et des métiers différents, si on n'est pas dans cette perspective-là, il n'y a aucune raison qu'on ait ces chiffres-là. On devrait avoir des effectifs de filles et de garçons équilibrés partout, si le fait d'être assigné fille ou garçon à l'état civil n'avait pas d'incidence sur ces questions-là. Et on va voir que ça ne devrait pas en avoir. Dans les bacs production, 15% des élèves sont des filles. Dans les bacs pro-service, c'est un peu moins grave, mais enfin, il y a un tiers des élèves qui sont des garçons. Donc on voit bien cette séparation qui doit nous questionner. Alors, les enseignements spécialités de première, rentrée 2019, hein, notre ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, quand on lui signalait avant les grandes vacances, le SNES avait fait une enquête tout à fait intéressante sur les choix de spécialité et avait interpellé le ministre en disant « Vous savez, ça ne va pas arranger les inégalités d'origine sociale d'une part, mais aussi de sexe d'autre part par rapport à la division sexuée ou socio-sexuée de l'orientation. » Et j'ai entendu le ministre répondre que ce n'était pas du tout les chiffres que le ministère avait, qu'il ne fallait pas dire ça. Alors, les chiffres du ministère sont sortis depuis un mois, on les a. Donc, voilà, effectivement, il avait raison. Donc, en jaune, les garçons, et en bleu, les filles. Donc, en maths, c'est 78% des garçons qui choisissent mathématiques pour 61% des filles. Alors il y a une majorité de filles, mais enfin il y a quand même un écart de 17% entre les garçons et les filles qu'on ne nous explique pas. Physique chimie, c'est 56% des garçons, 39% des filles. Alors déjà en physique chimie, les filles elles tombent à 39%, hein, et il y a toujours 17 et quelques pourcents de différence entre les filles et les garçons. Puis alors dans les choses qu'on nous dit être les filières, les connaissances d'avenir, etc., c'est-à-dire numérique, sciences informatiques d'une part, sciences de l'ingénieur, alors les garçons, on ne peut pas dire qu'ils se précipitent sur ces spécialités-là, hein, mais quand même numérique 15% des garçons pour 2,5% des filles. on a 12,5% de différence. Et sciences de l'ingénieur, 11% des garçons pour 1,5% des filles. Ces chiffres, enfin, je vous les vois noter, vous faites comme vous voulez, mais c'est une note d'information d'EP, vous allez sur Internet et vous aurez la note d'information, le 4 pages, qui est sortie récemment. Alors évidemment, quand on prend histoire, géo, géopolitique, sciences politiques, ou langue, littérature, culture, etc., ben là, on a beaucoup plus de filles que de garçons. Donc M. Blanquer paraît pas très outillé sur la question, quoi. Et il n'est pas très cultivé sur la question et il n'a pas bien anticipé. Enfin, mais enfin, c'est pas qu'il n'a pas anticipé, parce que je crois que c'est pas une question. C'est pas une question pour lui. La présidente du Haut Conseil à l'égalité et moi-même, qui était présidente de la commission lutte contre les stéréotypes, n'avons jamais réussi à nous faire recevoir par M. Blanquer pour discuter de la question de la formation des enseignants et des enseignantes à l'égalité dans les SP, qui s'appelait encore SP, et à cette question de la division sexuée et de l'orientation. Alors, en terminale, qui existe toujours pour l'instant encore comme ça, bah 41% des filles sont en S pour 69% des garçons. Donc les garçons se concentrent beaucoup sur S, enfin ceux qui rentrent dans les séries générales. Mais les garçons vont très peu en L, 8%. Et ça questionne personne. Je vais y revenir. Les spécialités en terminale S, pourcentage des filles dans ces enseignements de spécialité en terminale S, sciences de l'ingénieur, elles ne sont que 14%, informatique et sciences numériques que 28%. Dans l'enseignement technologique, les filles désertent sciences et techniques industrielles et développement durable, 4,5% des filles vont là. On a eu beau rajouter développement durable, ça ne les a pas particulièrement plus attirées. Quant aux garçons, c'est sur la pointe des pieds qu'ils vont en sciences et techniques sanitaires et sociales, 0,7%. Alors oui, meilleure réussite scolaire des filles, c'est connu depuis longtemps. Maintenant, depuis 71, il y a plus de bachelières que de bacheliers. Elles ont un taux de réussite à tous les examens de l'éducation nationale, en particulier à tous les baccalauréats. Voilà les derniers chiffres accessibles. Hein. C'est 84% des filles, 74% des garçons qui ont le bac. Et les filles sont plus nombreuses à obtenir des mentions bien et très bien dans toutes les séries, y compris au bac S. C'est pas très étonnant parce qu'elles sont plus sélectionnées que les garçons en S. Elles sont moins nombreuses à demander, même avec des résultats qui leur permettraient de demander. Quand elles y vont, elles pensent qu'elles ne vont pas réussir, donc elles travaillent. Alors qu'à force de dire aux garçons qui sont doués en maths, ben ils attendent 15 jours avant le bac de travailler, et c'est une caricature. Alors les filles sont plus nombreuses dans tous les cursus, enfin dans 55% des étudiants post-bac, ensemble des formations. Donc en rouge où elles sont sous-représentées, moins de 55%, pluri-sciences, TAPS et sciences fondamentales et appliquées, et là où elles sont sur-représentées, à l'extrême, langues, lettres, etc. Il n'y a pas que chez nous que c'est comme ça. Ce n'est pas une raison. Là où les filles ne sont pas, les DUT de production, les STS production, les écoles d'ingénieurs, et ça stagne. Quand il y a encore des personnes qui pensent que tout ça, ça évolue dans le bon sens, qu'il suffit d'être un peu patient, mais pour les personnes comme moi qui travaillent depuis plus de 30 ans sur ces questions-là, je peux vous dire que non, il n'y a pas de pente naturelle vers tout ça. Il faut une vraie volonté politique. Et les écoles d'ingénieurs, c'est des chiffres qui stagnent. J'ai parlé de STAPS tout à l'heure. Il y a une époque pas si lointaine, on était à 35% de filles dans les filières STAPS, et on est tombé il y a quelques années à 29%. Là où les garçons ne sont pas, les écoles paramédicales et sociales, les écoles vétérinaires, c'est quand même intéressant, parce que c'était quand même essentiellement des garçons qui étaient là, et c'est plus difficile d'entrer à vétérinaire que d'entrer en première année de médecine. Les garçons ont déserté. Quand on a massivement la présence d'un des deux sexes, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, toutes les filles vont faire vétérinaire. C'est souvent aussi qu'elles sont certainement un peu plus nombreuses qu'avant, mais c'est que les garçons n'y viennent moins, ils viennent plus. Vous voyez, c'est un double Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc l'exercice de la profession s'est beaucoup modifié. Hein, dans les campagnes, maintenant, c'est souvent les agriculteurs et agricultrices qui font aussi une partie du travail que faisaient avant les vétérinaires. Et donc c'est un exercice beaucoup plus urbain qui s'est développé avec les petits chats, les petits chiens, etc. Ce que je dis souvent pour faire sourire, les trucs de filles. Quoi. On a beaucoup de femmes vétérinaires. Dans les classes préparatoires littéraires, ben évidemment, les garçons ne font pas les filières littéraires, donc ils ne se retrouvent pas là. Et puis, dans les sections techniciens supérieurs de service, ils ne sont pas tout à fait à 40%. Alors, de ce fait, ben forcément, après ça, ben, les métiers mixtes sont rares. 15 familles sur 87 seulement. À peu près 40% d'un des deux sexes, ou 60% de l'autre. Les hommes occupent une plus grande variété de métiers. Alors, les métiers désertés par les hommes, ben, c'est les métiers du soin, de l'éducation de la petite enfance, du secrétariat. Je rappelle qu'avant, c'était un métier exclusivement exercé par les hommes et que c'était un métier noble. Ben, ça reste un métier noble, mais ce n'est pas vu comme ça. Et les métiers où ne sont pas les femmes, sans surprise non plus, hein, le bâtiment. Les chercheurs et les chercheuses, hein, en France, 26% seulement de chercheurs, chercheuses, tout type d'exercice de la recherche et toutes disciplines confondues. Et puis, elles ne sont que 15% des professionnels du numérique. Et puis, faut pas perdre de vue quand même, quand c'est pas à la maison, eh bien, elles ne représentent que 25% des professionnels de la cuisine, qu'on aille du CAP de cuisine de collectivité à l'école hôtelière. Alors, les filles sont plus nombreuses à être diplômées du supérieur que les garçons. Au total, 51% des filles et 39% seulement des garçons, un bac plus 2 et plus, c'est quand même pas négligeable. Et cependant, 51% des femmes qui travaillent au niveau employé-ouvrière, et elles ne sont que 15% à travailler comme cadre et profession intellectuelle supérieure. En jaune, ce sont les hommes. Donc il y a un hiatus qui dure depuis longtemps entre l'articulation formation-emploi spécifiquement pour les filles et les femmes. Elles réussissent mieux à l'école, elles font des parcours plus longs et plus rapides parce qu'elles redoublent moins, mais elles ne sont pas aux bons endroits. Alors ce n'est pas qu'il y a les bons endroits dans l'absolu, les bons endroits c'est là où sont les hommes. Donc suivez les hommes et vous serez aux bons endroits, mais quand vous êtes une femme et que vous allez là où vont les hommes, vous allez être discriminée. Enfin, ça va. Il y a des embûches, on ne va pas dire que c'est impossible. Donc 76% des employés sont des femmes et 62% des cadres de professions intellectuelles supérieures sont des hommes, et c'est des statistiques récentes. Alors, là aussi, on est dans la sphère du travail, même si c'est à la maison, qui pèse beaucoup sur les orientations des filles et les déroulements de carrière des femmes, de manière assez souvent consentante ou inconsciente, ou les deux. C'est chez nous et c'est maintenant. Hein. La première inégalité, elle est là. Quand on resserre sur des coûts biactifs, le travail domestique, c'est 2/3 les femmes qui l'assument, 1/3 les hommes. Donc évidemment, c'est pas chez vous, mais chez les autres. C'est-à-dire que les hommes sous-traitent gratuitement leur part de travail domestique à leur compagne ou à leur conjointe. Et ça, c'est une sacrée inégalité. Je n'ai encore rencontrer personne qui m'explique la loi de cela. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui peut légitimer cela? Alors les hommes ne se plaignent pas, évidemment, et on les comprend. Et puis il y a beaucoup de femmes qui ne se plaignent pas non plus. Hein. Quand une jeune fille en entretien d'orientation dit « et puis quand j'aurai des enfants, professeur des écoles, c'est bien, parce que quand j'aurai des enfants, ben, en gros, j'aurai les mêmes horaires qu'eux. » Donc les filles, très fréquemment, dans leurs entretiens d'orientation, évoquent la charge de famille, mais sans se plaindre. Les garçons, jamais. Mais si on leur dit aux garçons, et quand tu t'envisages un peu plus tard, peut-être en couple avec des enfants, ils disent bien sûr que oui, et je rajoute toujours, mais ils ne voient pas le rapport avec la conversation portant sur leur orientation, alors que les filles l'intègrent. Au final, ce qui se fabrique à l'école via les questions d'orientation, c'est un prototype. Évidemment, toutes les femmes ne cumulent pas tout ça. Mais c'est quand on est une femme, 17% d'écart de salaire moyen en moins, 1/3 des femmes travaillent à temps partiel, elles occupent, la moitié des femmes n'occupent que 15% des métiers. Ça, c'est la différence de pension de retraite. 670 euros de différence. 11 heures de tâches domestiques supplémentaires par semaine. Et 40% des mères voient leur carrière influencée par l'arrivée du premier enfant. Les femmes représentent en France 53% des personnes pauvres, 57% des bénéficiaires du RSA, 76% des personnes en sous-emploi, c'est-à-dire les personnes qui cherchent activement un temps complet mais qui sont en sous-emploi, donc ça veut dire en sous-salaire aussi, 62% des emplois non qualifiés, vous rappelez, 55% des étudiants sont des filles et 51% des filles sortent à bac plus 2 et plus. C'est 55% des salariés au SMIC et 70% des travailleurs, travailleuses pauvres, c'est-à-dire des personnes qui touchent au plus 60% d'un SMIC. C'est une énigme. Hein. Alors, comment on explique ça? Parce que si on veut agir, il faut comprendre comment ça marche. On va évacuer ça rapidement, cette idée que certaines personnes ont, mais évidemment pas ici, que l'on est biologiquement mâle ou femelle, vous voyez, c'est l'un ou l'autre, d'ailleurs ça même déjà c'est pas vrai au départ, et puis qu'en soi ça va produire des garçons et des hommes masculins, et des filles et des femmes féminines, et qu'on a affaire donc à deux natures, hein, différentes par nature. Je ne m'attarde pas, s'il y a du débat là-dessus, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il est très très très facile de démontrer que cette position est scientifiquement fausse, mais idéologiquement encore très puissante. Donc, si ce n'est pas la nature, si ce n'est pas le fait d'être né mâle ou femelle, ou autre, parce qu'il n'y a pas que des mâles et des femelles qui naissent dans notre espèce humaine, contrairement à ce que veut l'état civil, qui ne comprend que deux cases, toujours, si ce n'est pas le fait donc d'être mâle ou femelle, c'est-à-dire un jour de produire des gamètes mâles ou femelles, des spermatozoïdes ou des ovules, parce qu'en fait c'est ça, être mâle ou femelle, le reste c'est l'appareil, c'est la logistique. Ce qui nous fait mâle ou femelle, c'est ça. Si ce n'est pas ça qui fait qu'on est femme féminine, homme masculin, et qu'on a des rôles, des statuts, des places dans la société différents, alors il faut se demander comment ça se fabrique et quel rôle nous on joue dans cette fabrique. Alors le genre, voilà un des termes de mon titre. Le genre, c'est pas le sexe. Hein. Il est très très souvent employé à la place de sexe maintenant. Donc le genre, le sexe, c'est le sexe d'assignation à l'état civil. Hein. Donc on va parler de statistiques sexuées, mais parler de statistiques genrées n'a aucun sens. Par exemple, je donne des exemples de dérives hein, de l'usage du concept de genre. D'abord, ce n'est pas un terme, c'est un concept qui désigne, moi c'est une définition qui me va bien, un système de normes hiérarchisées et hiérarchisant de masculinité et féminité. Moi, je rajoute que c'est ça qui étaye les rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire ces rapports de tension, hein, ces rapports hiérarchisés et inégalitaires entre la classe des... Je dis classe, hein, comme classe sociale, classe des hommes et classe des femmes. Il est hiérarchisé, on va voir, parce que le masculin vaut plus que le féminin, et hiérarchisant, parce qu'en faisant marcher le genre au quotidien, on hiérarchise, du coup, les rapports sociaux de sexe. Le genre, donc ce système de normes, il va définir les rôles de sexe, c'est-à-dire ce que doivent être, ce que font et doivent faire les filles, les garçons, les femmes et les hommes. Parce qu'un système de normes, on ne sait pas trop ce que c'est. Ce n'est pas écrit quelque part, hein, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un décret. On a une idée des normes qu'à travers la pratique sociale de ces normes. Donc on a une idée de la masculinité et de la féminité qu'à travers les pratiques que les unes et les uns et les autres avons des normes de masculinité et féminité afférentes, enfin, liées à l'âge qu'on a, à notre culture, au milieu social dans lequel on vit, sur quel territoire on vit, etc. Donc vous voyez déjà l'idée que ce qui est masculin et féminin est un peu variable, même beaucoup variable, au sein d'une culture de manière contemporaine et au long de l'histoire, dans l'histoire d'une culture. Ce qui définit le masculin et le féminin n'est pas exactement la même chose partout et n'a pas toujours été la même chose dans notre propre culture. Mais ce qui est universel, semble dire les anthropologues, enfin c'est pas semble, disent, il y a eu Margaret Mead d'abord, mais Françoise Héritier plus près de nous, c'est que le masculin vaut toujours plus le féminin. C'est-à-dire que quoi qu'il définisse le masculin, ça vaut plus que ce qui définit oui, le féminin. Ce fameux concept qu'elle a utilisé de valence différentielle des sexes. Troisième agent important, qui est en lien avec les rôles de sexe et donc le genre, c'est les stéréotypes de sexe, mais je crois que vous connaissez bien les définitions des stéréotypes. Par exemple, le stéréotype de sexe, les femmes sont douces, les femmes n'ont pas le sens de leur orientation. Alors, en quoi c'est un stéréotype? Les stéréotypes, c'est que ça s'applique à tous les membres d'une catégorie. C'est ça l'importance d'un stéréotype. Alors oui, il y a des femmes qui sont douces, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas le sens de l'orientation, il y en a peut-être même qui sont douces et qui n'ont pas le sens de l'orientation, et puis il y en a qui ne sont pas douces et qui ont le sens de l'orientation, il y en a qui n'ont pas le sens de l'orientation, enfin voilà, comme les hommes d'ailleurs. Et puis un autre stéréotype, les hommes sont courageux, donc il y en a qui sont courageux, il y en a qui ne le sont pas, et puis il y a des femmes courageuses et des femmes pas courageuses, et les hommes ne sont pas minutieux. Alors que dire de la prévalence de nombre des hommes chirurgiens jusqu'à une date encore assez récente, ou d'autres métiers où ils sont extrêmement présents et qui demandent beaucoup de minutie. Voilà ce que sont les stéréotypes, mais ça, je pense que vous maîtrisez bien ça. Comment ils opèrent, ces stéréotypes? Parce que quand on veut combattre les stéréotypes, défaire les stéréotypes, il faut savoir à quoi ils servent et qui sont un élément d'un système. Moi, je dis souvent, attention, n'ayez pas dans l'objectif seulement que les stéréotypes. Ce ne sont pas l'alpha et l'oméga, la fabrication des inégalités de sexe, ou de race, ou d'autres choses. C'est un agent d'un système. Donc, il est vraiment la force, c'est pour ça que ça résiste, des stéréotypes, c'est parce qu'ils naturalisent. Ils naturalisent les rôles de sexe. Donc, ils les légitiment en les naturalisant. Par exemple, les métiers de la petite enfance, ou du care, comme on dit. La plupart des gens trouvent tout à fait normal que 95% de ces emplois soient occupés par des femmes. Et quand on demande « Ah bon, et pourquoi ?», eh bien, les personnes vous répondent très spontanément « Parce que les femmes sont, et vont aller chercher un stéréotype, sont plus douces, sont plus maternelles, sont plus ceci, sont plus cela. » On va aller chercher toute une série de caractéristiques qui seraient propres aux femmes que les hommes ne posséderaient pas et qui vont venir légitimer que ce soit les femmes qui exercent ces métiers-là. Quand on n'a pas cité aussi l'instinct maternel, évidemment, qui n'existe pas, mais qui est encore un pilier de croyance de beaucoup de personnes. Tout ça, je peux le démontrer. Je ne lance pas les choses comme ça. Je ne suis pas assez courageuse pour ça. Donc, tout ce que je dis, je peux après vous répondre. Les stéréotypes donc, sont des agents aussi, du coup, de la hiérarchie entre les sexes, parce qu'ils vont légitimer la valence différentielle des sexes. Et les discriminations. Par exemple, ce chef d'entreprise qui dit, alors que c'est illégal, mais il le dit, je n'engage pas de femmes à des fonctions d'encadrement parce que les femmes manquent d'autorité. Donc c'est un vrai propos. Donc on a un très bel exemple de l'usage des stéréotypes pour légitimer la valence différentielle des sexes, l'occupation de certaines places et de certaines fonctions, et donc de légitimer les discriminations. Là, à l'encontre des femmes, peut-être qu'on pourrait en trouver à l'encontre des hommes pour d'autres métiers ou d'autres fonctions. Parce que les femmes manquent d'autorité. Voilà ce stéréotype. Donc le système de fabrique que je viens d'évoquer, quand on le schématise, ça donne ça. Au fond du fond, c'est ce système de normes de masculinité et féminité hiérarchisées, avec cette valence différentielle des sexes et ces rapports sociaux de sexe, comme les rapports sociaux de classe, qui définissent les rôles de sexe, lesquels sont légitimés par les stéréotypes de sexe. Donc du schéma rapidement montré tout à l'heure, on arrive en fait à quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. Au lieu des deux flèches en ligne directe, on a entre le jaune et le rose et le bleu, les trois éléments que je viens de vous citer, et au passage, évidemment, j'ai rajouté les pointillés qu'il faut rajouter entre le tout mâle et le tout femelle qui, au niveau biologique en haut, à peu près 1,7% de la population qu'on appelle les intersexes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout mâles ou tout femelles, et qui existent. Alors, les genres stéréotypes de sexe, ils influencent le fonctionnement de tous les contextes sociaux. Donc moi, j'insiste là-dessus, en tout cas dans cette intervention, pour qu'on arrête de dire que les femmes manquent d'ambition. Alors, maintenant, on dit moins ça, maintenant, c'est l'autocensure. Les filles et les femmes s'autocensurent. Donc il faut leur apprendre à ne pas s'auto-censurer. Donc on focalise sur les conduites des filles et des femmes, alors pas les garçons et les hommes, parce qu'eux font tout bien, ils s'orientent bien, ils vont là où il faut, ils posent aucun problème. Eux, ils n'ont pas de stéréotypes qui influencent leur orientation. et on n'interroge pas le fonctionnement des structures, des systèmes. Or, c'est bien ces systèmes et ces structures qui fabriquent le manque de confiance, par exemple, des filles, le fait qu'elles s'auto-limitent. Moi, je ne parle pas d'autocensure, je peux m'en expliquer, mais d'auto-limitation. Et donc, c'est aussi dans notre quotidien, dans la famille, à l'école, etc., avec tous les rôles que nous tenons, que nous contribuons peut-être à ça, sans le vouloir, mais quand même. Donc, on apprend très tôt les normes, les rôles et les stéréotypes de sexe, hein, et la hiérarchisation. Hein, dans les cours de récréation, même en maternelle, on peut entendre des petits garçons qui disent oh, « mais les filles, c'est nul ». Il n'y a pas beaucoup d'adultes qui relèvent ce genre de choses. On ne relève pas les propos sexistes. J'y viendrai aussi, ou peut-être en discussion avec vous. Pas beaucoup. Enfin, peut-être qu'il y en a qui disent ici, mais en tout cas, c'est certainement pas encore des réflexes majoritaires, et, alors qu'on relèvera sans doute plus facilement, et on a bien raison, des propos racistes. Homophobe, c'est moins sûr. Mais sexiste, c'est que ça n'apparaît pas étant sexiste. C'est pour ça, souvent, qu'on ne relève pas certaines choses, certaines blagues, certaines remarques, parce qu'on... C'est pas grave, c'est pas sexiste. Alors, ça commence là. Donc, des collègues de l'INED, donc j'ai mis la référence de l'article là, l'échographie du cinquième mois. Donc, une enquête sur des parents cadres parisiens qui attendent leur second enfant et qui, à 94%, désirent connaître le sexe de leur enfant. Dans les pays nordiques, c'est beaucoup moins. En France, on est encore très accroché à ça. Donc là, à partir du moment où on vous dit probablement fille ou garçon, tout va se mettre en route dans les représentations. On va se mettre à attendre une fille, pas un bébé, pas un petit humain, on va se mettre à attendre une fille ou un garçon. Donc les mouvements du bébé dans le ventre de sa mère vont être interprétés. Ça va être un footballeur ou elle va avoir un sale caractère. Ce qui est très drôle, enfin, si je puis me permettre de plaisanter avec ce genre de choses... C'est quand on s'est trompé. Ça arrive un peu, des fois. C'est des personnes qui ont les moyens, donc c'est le papier peint dans la chambre, enfin tout ce qui va faire le décor, qui va accueillir l'enfant, les peluches, etc. Et le gros problème qu'évoquent ces parents, c'est si ce n'est pas le même sexe que l'aîné. Il va falloir changer plein de choses. On ne va pas pouvoir transmettre. Attendez, le bébé, il n'est pas né. Je ne vais pas pouvoir lui transmettre la layette, ça s'appelle toujours comme ça, qu'on a mis à l'aîné, dans les premiers jours, premières semaines, voire premiers mois, à l'autre, parce que l'un est un garçon et l'autre est une fille. Alors là, il y a quand même une pression de ce qu'on appelait le gender marketing, que les gens de ma génération n'ont absolument pas connu, enfin les parents des gens de ma génération n'ont pas subi ce gender marketing. Et le rose et le bleu, vous le savez comme moi, est une invention très récente. Donc, les gens de ma génération, on a échappé au rose et au bleu, et on était dans d'autres couleurs, et on se passait les choses entre frères et sœurs et cousins, cousines. Maintenant, c'est même les vélos. On peut pas, elle va pas rouler avec un vélo bleu, quand même. Hein. Et puis lui, surtout lui, il va pas rouler avec un vélo rose, avec le vélo de sa grande sœur. Ah, ne nous laissons pas piéger par ces pièges-là, en plus, complètement commerciaux. Donc voilà, excusez-moi, ça donne ça aussi pour la marque Petit Bateau. Donc on fait porter à des enfants qui ne savent même pas encore qu'ils sont des filles ou des garçons au plan biologique, les stéréotypes de sexe les plus éculés. Mais les adultes trouvent ça drôle. Vous voyez que le registre sémantique n'est pas le même. Hein. Elle est jolie, elle est rigolote, elle est coquette, elle est amoureuse, elle est mignonne, élégante. Vous voyez, on est dans l'apparence beaucoup. Elle est belle. Et lui, il est courageux, fort, robuste, vaillant, rusé, habile, déterminé, puis cool, bien sûr. On n'a pas mis que c'était une petite emmerdeuse, mais têtu. La littérature jeunesse, je crois qu'il y avait un atelier sur la littérature jeunesse, donc où il y a eu des progrès, il y a des éditions et des auteurs et des autrices qui vraiment font des livres fantastiques où on n'est plus du tout dans les rôles et les stéréotypes de sexe traditionnels, mais il faut chercher encore quand même un peu. Hein. Alors le camion poubelle de Marcel, hein, et puis Chloé qui joue à faire le ménage, Moi, je dis chaque fois que je présente ça, si c'est vraiment un jeu, on ne sait pas pourquoi on en prive les garçons. Ça, c'est tout à fait récent. J'ai reçu ça avec un abonnement que j'ai par ailleurs. Le magazine des petites filles créatives, 5-8 ans, hein. C'est le magazine des petites filles créatives, s'appelle Princesse, et puis vous avez le Mac des petits malins, 5-8 ans. Et on est loin du mélange, hein. Parfait pour développer la curiosité, la débrouillardise. Elle, c'est bienvenue dans l'univers tendre et coloré des petites filles. C'est de la pub pour les trucs, enfin pour les achats de Noël maintenant, là. C'est pas il y a 50 ans. C'est Bayard Presse, hein, parce que moi, je dénonce. Toujours Bayard Presse. J'ai regardé ce qui se passait pour les un peu plus grands dans le catalogue. Alors, 8-12 ans, c'est des sorcières. Envie de lire, apprendre à créer. Et 8-12 ans, alors là, y a pas de, il n'est pas nommé, le garçon, mais c'est tout comprendre, là, quand même. Hein. C'est, attention, on n'est plus dans les loisirs, les envies de lire, créer, c'est... Bon, ça va être une période de jouets. Les jouets sont très très importants dans le développement des êtres humains, des petits humains. C'est là qu'on développe les compétences cognitives, les compétences émotives, les compétences sociales. C'est là qu'on fabrique les connexions neuronales. Vous savez qu'à la naissance, notre cerveau est fini au plan architectural, mais il n'y a que 10% des connexions neuronales qui sont mises en place, c'est-à-dire 10% du million, de milliards de connexions que nous allons élaborer. Donc autant dire que notre cerveau se fabrique dès la naissance sous l'influence de l'environnement, des apprentissages, des expériences. Il est socialisé. Donc à chacun son cerveau. Donc le jeu est très important. Je fais grâce de tous les psychologues qui ont démontré cette énorme importance cognitive et sociale et émotionnelle. Alors trois catégories de jouets, les jouets de garçons, les jouets filles et puis les jouets moins marqués. Les jouets de type garçon, c'est ça, quoi. C'est vos arrière-grands-parents, moi, mon grand-père, avait ça comme jouet. C'est des pièces détachées, donc il faut imaginer un objet en trois dimensions et à travers les pièces arriver à le réaliser. C'est fantastique, un truc comme ça. Alors ça développe des compétences d'imagination, de création et puis de représentation dans l'espace et de manipulation pour arriver à ses fins, à faire l'objet qu'on a envie de faire. Donc ça fait bien marcher ça fabrique des connexions neuronales très importantes, des choses qui vont être utilisées dans certains enseignements après, hein, comme la technologie, la géométrie, etc. On s'étonne que les garçons soient peut-être plus malins dans ces choses-là que les filles. Bah oui, mais eux, ils se sont entraînés depuis 6 ans, 7 ans. Alors les jouets type filles, très différents, les jouets type filles. C'est des jouets prêts à jouer. Il n'y a rien à bâtir, il n'y a rien à construire, tout est là sous vos yeux. C'est très souvent quand même aussi en lien avec la sphère domestique, avez-vous remarqué? Mais ils sont importants, ces jouets. Je ne tiens pas un discours, moi, de dire il faut arrêter tout ça avec les filles. Non, non. C'est des jouets très importants aussi dans le développement des petits humains, parce qu'ils nous permettent de développer une fonction importante des humains, qui est la fonction symbolique. Donc ce sont des jouets qui permettent des jeux de rôle, qui permettent l'imitation, la projection, etc. Alors, ce qu'on a vu là, il faut continuer à les offrir aux garçons, mais offrez-les tout autant aux filles, pareillement aux filles. Et puis ceux-là, eh ben, c'est pareil, vous pouvez continuer à offrir des poupées, etc. aux filles, mais il faut aussi les offrir aux garçons. Parce qu'on s'étonne après qu'en grandissant, les petits garçons ne s'intéressent pas particulièrement aux petits, alors que petits, ils s'y intéressent aux petits. C'est humain. Comment dire? Bon, ça, c'est la psychologue qui parle, mais on n'a pas de nature humaine, mais on a une condition humaine, avec de la psychologie et un psychisme. Et bien, quand on est bébé et petit, ce qui nous intéresse, c'est les petits comme nous. Voilà, on est très attiré par ça. Comme les petits garçons petits sont très attirés par ce qui se passe dans le domestique, c'est-à-dire à tenir un chiffon, etc. Le problème, c'est qu'eux, on les dissuade très vite. C'est violent, la construction de la masculinité. C'est violent de construire les futurs éléments du groupe dominant. C'est violent de fabriquer la féminité aussi. Mais les petits garçons, on les prive d'une part, enfin pas d'une part d'humanité, le mot est quand même un peu fort, d'expression d'humanité. Quand on apprend aux garçons le même pas peur et même pas mal. Tout à l'heure, je ne sais pas si elle est là. Oui, vous êtes là. J'ai assisté à l'atelier EPS. Qui relate que, en fait, assez souvent, sur la poutre, ça vous dit quelque chose? Vous avez des souvenirs de PS? On va aller peut-être tenir la main, enfin si je transforme trop, vous dites, des filles, de peur qu'elles tombent et du coup qu'elles se fassent mal, quoi. Et qu'on le fait beaucoup moins à l'égard des garçons. Donc les garçons, quand ils se font mal, il ne faut pas qu'ils le montrent, ils ont pas mal. Quand ils ont des émotions, j'ai envie de pleurer, je suis triste, etc., il ne faut pas trop non plus qu'ils l'expriment. En moyenne. Et ce même pas peur, même pas mal, après, on leur reproche. On dit, ah oui, mais moi, mon compagnon, mon conjoint, j'arrive jamais à savoir ce qu'il ressent, parce qu'il n'exprime rien, il dit rien. Ah si, il parle d'autre chose, mais pas de ce qu'il ressent. Ah ben, oui, mais quand on vous a éduqué à ça, il n'y a rien d'étonnant à ça. Pas étonnant que les garçons ne se sentent pas trop attirés non plus par les métiers de l'aide aux autres, du soin, etc. Il y a une autre raison aussi, mais celle-ci en fait partie. Il y a une signature d'une charte, c'est pas une loi, mais quand même, septembre 2019, entre le secrétariat d'État auprès de l'économie et des finances, un peu inattendu, c'est pas la secrétaire d'État aux droits des femmes, charte d'engagement volontaire pour une représentation mixte des jouets, avec un, les fabricants de jouets, et deux, les grands lieux de distribution de jouets, c'est-à-dire il y aura plus le mur où c'est marqué garçon pour pas qu'on se trompe, ou fille pour pas qu'on se trompe, et que dès que vous arrivez, on vous demande quoi ? C'est pas l'âge de l'enfant. Or, c'est ça le critère d'un jouet, de l'achat d'un jouet. C'est l'âge de l'enfant. On vous dit, c'est pour une fille ou pour un garçon ? C'est pour un enfant. Je l'ai fait, ça. Et la personne reste un peu... Et j'attends qu'elle me demande quel âge a l'enfant. Et si elle ne me le demande pas, je lui dis, mais tous les jouets valent pour tous les âges ? C'est au quotidien qu'on peut lutter. Hein, les micro-résistances, j'y reviendrai. C'est comme le tri de la poubelle tous les jours. On peut trier le genre et les stéréotypes de sexe. Alors, ça influence aussi, évidemment, pas seulement l'éducation familiale, parce qu'évidemment, ici, il n'y a pas de parents ou pas de futurs parents. Parce que quand les enseignants me disent « Non, mais c'est dans les familles », oui, parce que parmi les enseignants, il n'y a pas de parents. La plupart des enseignants sont parents, mais tous les parents ne sont pas enseignants, en revanche. Hein. Alors, les interactions en classe, ce sont des recherches hein, derrière tout ce que je vais dire. On sait depuis longtemps que les professeurs interagissent, que ce soit hommes ou femmes, dans les matières scientifiques, plus avec les garçons qu'avec les filles. En gros, c'est 65%, 35%. Quand ils font attention, ça reste 55-45. Donc, non seulement plus, et pas sur les mêmes contenus. Donc, en moyenne, les filles font moins de maths que les garçons et moins de physique. C'est comme quand elles sont dans une équipe de sport où on ne leur passe pas la balle, elles jouent moins. Elles jouent moins longtemps dans le match. Et donc, elles s'entraînent moins, enfin, elles apprennent moins. Donc ces interactions, c'est quand même important, et ça a à voir avec, du coup, la confiance en soi des filles dans les matières, notamment scientifiques. On sait que les garçons prennent plus facilement, occupent l'espace plus facilement. Les profs disent, pour se défendre, bah, oui, mais enfin, ils sont là, oui. Et je suis bien obligée de répondre, sauf que quand on filme les classes avec les interactions, on voit qu'une bonne part des interactions avec les garçons sont initiées par les enseignants eux-mêmes, hommes ou femmes, hein, alors là, ça ne distingue pas. Ça se retrouve après dans le monde du travail, dans les réunions, etc., où les hommes parlent plus que les femmes. Enfin, bon. Les évaluations. Alors là, on sait aussi depuis longtemps qu'il y a des biais dans l'évaluation des filles et des garçons en fonction des stéréotypes de sexe. Et que l'effet Pygmalion, hein, qui a été énoncé il y a longtemps, joue bien avec les différences de classe sociale et les différences de sexe. En gros, les enseignants ont, et ne le prenez pas mal, hein, parce que, je vais le dire, si on vous formait à ça, ben, ça marcherait autrement à l'école. Donc les enseignants sont des êtres humains comme les autres, qui ont été élevés, construits dans ces normes, dans le genre, et les normes de masculinité, féminité, les stéréotypes de sexe, et n'étant pas formés à les voir, à les lire, à les décrypter, à les déconstruire, et ben, évidemment, on reproduit ça dans les pratiques professionnelles. Donc moi, je n'ai aucun jugement, bien évidemment, à votre égard. Un double standard d'évaluation. En gros, ça veut dire les garçons peuvent toujours mieux faire et les filles réussissent parce qu'elles travaillent beaucoup. Donc moi, j'ai analysé pendant 3 ans des bulletins scolaires avec des stagiaires et des étudiants que j'avais en mémoire. Et effectivement, les mêmes profs, les mêmes notes, les appréciations sur les bulletins scolaires révélaient complètement ce double standard d'évaluation. Et surtout quand on est dans les matières scientifiques. Il y a une étude empirique qui n'a pas été publiée qui montrait que pour le passage en classe prépa scientifique, si sur le dossier d'une fille qui a 15 ou 16 de moyenne en maths en terminale S, le ou la prof avait écrit a beaucoup travaillé cette année, c'était rédhibitoire. Parce que elle a réussi parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle est allée au plafond. Alors qu'un garçon qui a 14 de moyenne, et s'il est marqué, s'il voulait, il pourrait mieux faire. En gros, les garçons, ils en ont toujours sous la pédale, et les filles, elles plafonneraient. Donc ça, c'est embêtant. Ce qu'on sait aussi, c'est les écarts importants qu'il y a entre trois niveaux d'évaluation. Quand les élèves ont à s'auto-évaluer, et c'est vrai que ces études ont surtout porté sur les matières scientifiques, vous devinez pourquoi. Quand les garçons et les filles s'auto-évaluent sur leur niveau en mathématiques ou en physique, il y a un grand écart entre les filles et les garçons. Les filles, en gros, se sous-évaluent et les garçons se sur-évaluent. Quand on prend les notes des enseignants, l'écart est resserré. Il y a une différence, mais l'écart est resserré. Et quand on prend l'évaluation par des épreuves standardisées dans le questionnement, dans la passation et dans la notation, l'évaluation, alors là, les écarts sont extrêmement réduits. J'en veux pour preuve les résultats de l'enquête PISA que j'avais quelque part. Celle de 2015 sur les mathématiques. Il y a 6 points d'écart de score moyen entre les garçons et les filles sur la maîtrise des mathématiques à l'enquête PISA de 2015. 6 points d'écart, c'est pas grand-chose. Les compétences en sciences, il n'y a que 2 points d'écart. En revanche, la dernière enquête qui vient de paraître, là, qui est sur la compétence à l'écrit, il y a 29%, il y a 29 points d'écart entre le score moyen des garçons et des filles à l'avantage des filles, cette fois-ci. Donc les différences filles-garçons sont mais diablement plus importantes sur la maîtrise du langage, de l'écrit, etc., qu'elles ne le sont dans les catégories scientifiques. Or, la plupart des gens ont un stéréotype complètement inversé qui est que les garçons sont bien meilleurs en maths que les filles. C'est faux. Mais à travers les notes des profs, c'est vrai. Pourquoi je suis revenu sur les sanctions? Il y a une collègue, Sylvie Héral, qui a fait sa thèse sur les sanctions dans toute l'agglomération bordelaise au collège. Qui est sanctionné et pourquoi? 75% des élèves sanctionnés sont les garçons. C'est pas 75% des garçons, 75% des élèves sanctionnés sont des garçons. Ça aussi, ça doit nous interpeller. Donc il y a un lien entre le fait d'être garçon ou fille et d'être sanctionné ou pas. Donc il y a déjà une tolérance différenciée entre les filles et les garçons vis-à-vis de l'attribution des sanctions. Mais quand on regarde sur quoi sont sanctionnés, on s'aperçoit que les garçons se servent, un certain nombre de garçons se servent de ça pour montrer qu'ils valent quand même quelque chose. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle moi, un recours identitaire. Quand on est garçon, qu'on n'est pas très bon à l'école, qu'on habite pas dans un bon endroit ou dans un bon quartier, qu'on a des parents qui n'ont pas des métiers reluisants, voire pas de métier, enfin, qui sont au chômage, que j'ai une couleur de peau et un patronyme pas très porteur non plus. Eh bien, parfois, de faire marcher les normes de masculinité, voire de virilité, donc être transgressif par rapport aux règles imposées par les adultes et par l'école, peut être une manière de sortir du lot et de faire l'admiration à des filles, et puis parfois impressionner les autres garçons qui n'osent pas faire ce que je fais. Donc il y a des garçons qui recherchent la sanction à des fins, moi j'appelle ça, de recours identitaire, c'est-à-dire de valoir quand même quelque chose. Il y a un refuge parfois identitaire pour les garçons et pour les filles, mais pour d'autres raisons, à performer, j'allais dire, outre mesure parfois, la masculinité ou la féminité. Il n'y a aucune sanction pour des agressions sexuelles ou sexistes. Quand dans la thèse, elle a interviewé des enseignants, les adultes, et notamment enseignants et enseignantes, qui disent que oui, dans les couloirs, ils entendent bien des putes, salopes, etc., ou certains gestes, mais que c'est dans les couloirs, c'est pas dans leur classe, et en gros, ça relève pas d'eux. Ça, c'est un vrai problème aussi. Et les filles qui sont questionnées en entretien et qui disent: oui, dans les couloirs, les garçons ont des gestes. Oui, ils nous touchent les seins, ils nous touchent le sexe, ils nous touchent les fesses. Et alors, elles disent que ça les gêne horriblement, mais qu'au final, elles préfèrent être les filles que les garçons touchent qu'être les filles que les garçons ne touchent pas. Parce que ça veut dire qu'elles ont, elles sont remarquées par les garçons et qu'elles ont une certaine valeur aux yeux de ces garçons qui se permettent ça. C'est pas tous les garçons qui font ça, hein, bien sûr, non plus. Le langage, il faut se débarrasser une fois pour toutes de cette hégémonie du masculin qu'on nous fait passer pour du neutre. Il n'y a jamais eu de neutre dans la langue française et nous ne savons pas penser le neutre. Donc quand on entend du masculin, c'est du masculin. Donc je suis désolée pour vous, mais vous avez une rectrice qui se fait appeler Madame le recteur. Elle n'est pas là, non? Non, mais parce que j'aurais pu lui expliquer pourquoi c'était important qu'elle se fasse appeler Madame la rectrice, qui n'est pas nommée, n'existe pas. Et ça, c'est du travestissement. Je suis désolée qu'on soit dans une langue genrée, masculin, féminin, qui s'applique aux hommes, du coup, et aux femmes, même aux objets chez nous, s'il faut le faire. Hein. Mais c'est comme ça. Alors, la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, vous le savez comment, est une règle récente, qui a été énoncée au XVIIe siècle, mais surtout généralisée au XIXe siècle par son enseignement systématique dans notre école républicaine, au prétexte que disaient ces grammairiens misogynes, le langage, la langue doit refléter ce qu'il y a de plus noble dans la société, ce qu'il y a de plus noble dans la société, ce sont les hommes, donc le masculin l'emportera sur le féminin. Or, jusque-là, c'était la règle de proximité qui était appliquée, parce que même chez Racine, on trouve cette règle de proximité, qui voudrait, par exemple, nous faire dire « tous les garçons et toutes les filles sont belles » ou « toutes les filles et tous les garçons sont beaux ». Donc entraînez-vous, c'est très facile et ça passe très bien. Et ça évite d'être complice de cette règle injuste du masculin qui l'emporte sur le féminin. En ce qui concerne l'orientation, c'est très important d'utiliser le masculin et le féminin. Je rappelle que les premières circulaires de premiers ministres imposant d'utiliser le masculin et le féminin pour tous les titres, grades, métiers et fonctions, c'est très ancien. Ça a commencé au début des années 80. Donc c'est officiel. C'est officiel. Donc on va utiliser le masculin et le féminin. Donc Madame le recteur... Ça va pas parce que on a Édouard Philippe, excusez-moi, je joue pas, mais j'avais oublié son nom là. Le premier ministre actuel, qui à cause de cette fameuse écriture dite inclusive, qu'on ne devrait d'ailleurs pas appeler écriture inclusive, a fait une circulaire que les gens qui sont frileux se sont emparés et lui font dire ce qu'elle ne dit pas. Moi, j'ai fait une analyse de contenu. Il y a 3 paragraphes, pas très compliqué. Et ben, il réitère que les titres, grades, fonctions, métiers doivent être écrits au masculin et féminin, et que les offres d'emploi émanant des différents ministères, administrations doivent être écrites au masculin et au féminin. Ce qu'il refuse, il dit même pas ça comme ça, il dit « je vous invite », enfin bon, quand ça vient du Premier ministre, c'est un peu combinatoire, « je vous invite pour les textes devant être publiés au journal officiel de ne pas utiliser le point médian, par exemple étudiant.es, enfin étudiante, voilà, c'est tout, c'est embêtant, c'est quand même très embêtant, mais quand même, il n'interdit pas d'employer le masculin et le féminin. Donc, pour les métiers, les études montrent que quand on écrit ou quand on énonce dans l'accompagnement, par exemple, à l'orientation, tous les métiers au masculin et au féminin, ou au féminin et au masculin, ça va augmenter le degré d'intérêt des filles vis-à-vis des métiers très majoritairement exercé par les hommes, parce que si on les dit au féminin, ça peut évoquer qu'il y a des filles qui le font, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et ça augmente le sentiment de compétence des garçons vis-à-vis des métiers majoritairement exercés par les hommes, mais qui sont très sélectifs et très, un peu difficiles d'accès. Alors, moi je dis que si les garçons, ça augmente un peu l'idée qu'ils pourraient peut-être le faire, c'est un sentiment de compétence, c'est que quand c'est écrit au féminin, ils doivent se dire... Bah, finalement, si les filles peuvent le faire, alors pourquoi pas moi, hein, moi qui suis un garçon, toujours dans la valence différentielle des sexes. Ça, c'est le premier outil, c'est nous. Hein. Donc, le langage, c'est nous au quotidien, ça, sans arrêt, parler au masculin et au féminin. C'est un automatisme. Les programmes et les manuels scolaires qui invisibilisent encore beaucoup les femmes dans leur rôle dans la construction des savoirs et des cultures. Donc, vous connaissez peut-être le centre Hubertine-Auclert, qui est le centre régional de l'Île-de-France, mais accessible à tout le monde. Je vous incite vraiment à aller sur leur site. Il y a une égalité qui est un lieu de ressources faramineux. Et pendant plusieurs années, ils ont fait analyser les manuels scolaires de maths, etc., où on voit... il n'y a aucune femme qui a fait avancer la science mathématique, histoire, littérature, enfin bon, vous voyez quel est le critère qu'on peut faire. Mais les programmes scolaires sont eux-mêmes sont très complices de ça. Et le problème des manuels scolaires, c'est que ce sont des éditions privées. Il y a deux, trois éditions. Alors là, moi j'ai travaillé en tant que présidente de la commission au Conseil à l'égalité sur cette question. Je suis allée rencontrer Isabelle Magnard, du grand groupe qui fait des manuels scolaires, qui m'a dit pas de charte, pas de label, dans nos groupes d'experts. Je lui disais, mais mettez au moins des spécialistes du genre dans vos groupes d'experts qui font vos manuels scolaires. Enfin, elle voulait entendre parler de rien parce que de toute façon, ils faisaient tout bien. Donc ça, c'est un problème. Donc on s'est dit... On ne peut pas toucher aux éditeurs scolaires puisqu'ils sont privés. Liberté d'enseigner, me disait-elle, liberté de publier, liberté d'enseigner. Je lui ai dit que je ne voyais pas en quoi c'était incompatible avec la vigilance à l'égalité dans les manuels scolaires. Mais bon, qui prescrit les manuels scolaires? Qui choisit les manuels scolaires? C'est les enseignants et les enseignantes. Alors c'est vous, les acteurs et les actrices de cette affaire-là. Quand vous choisissez des manuels scolaires, que ce soit... primaire, second, collège ou lycée, eh bien, toutes choses étant égales par ailleurs au niveau de la qualité pédagogique, choisissez le moins stéréotypé. Choisissez celui qui renforce le moins les rôles de sexe traditionnels. Choisissez celui qui met en lumière la présence des femmes dans la construction des savoirs et des cultures. C'est faisable, ça, non? Alors, le centre Hubertine-Auclert, dont je fais vraiment la publicité parce que c'est vraiment, ils sont formidables tout ce qu'ils font, ils ont fait une petite grille très rapide à appliquer d'analyse des manuels scolaires qui fait que quand vous vous réunissez à je ne sais plus quelle époque de l'année, mois de mai peut-être, pour choisir les manuels scolaires de l'année suivante, et ben, vous avez cette petite, voilà, et vous cochez et ça vous permet de prendre des décisions, voilà, dont acte. Le premier outil, c'est nous. La hiérarchie des savoirs, le prestige des filières, donc on retombe sur la valence différentielle des sexes, à partir du moment où les hommes n'ont plus été dans les humanités, hein, le français, le latin, le grec et la philosophie, qui étaient les filières de prestige et les savoirs prestigieux, et que c'est au tournant des années 70 que ce sont les mathématiques, la physique, la technologie, donc les garçons se sont déplacés, c'est ça qui est devenu... Donc en France, on est très très fort pour la hiérarchie, Et du coup le prestige, parce que même au lycée professionnel, il y a une hiérarchie entre les filières, et on reconstruit ces hiérarchies partout, et du coup, ça maintient ces hiérarchies entre les sexes aussi. Le sexisme, je l'ai évoqué tout à l'heure, le sexisme à l'école, on commence à en parler, tant mieux, il faudrait en parler plus, parce qu'il est un obstacle fait aux filles. C'est un frein fait aux filles pour aller dans certaines filières. Les filles hésitent à aller, notamment dans l'enseignement professionnel, dans les filières de mécanique, du bois, etc., où elles savent à l'avance qu'elles vont être peut-être toutes seules, ou deux au mieux, dans les... Bon, ben, je vais m'arrêter là, hein, tant pis. Je suis très loin. Oui, je suis loin, mais ça ne fait rien. Je termine là-dessus. J'ai 5 minutes, donc je reprends mes esprits. Non, mais vous faites bien. Qui vont renoncer à aller dans ces filières parce qu'elles savent qu'elles vont avoir une socialisation, on va le dire pour le moins, un peu rugueuse. Si ce n'est au moins pendant un trimestre. Et qu'il va falloir assumer des propos, des gestes sexistes, parfois même de la part des enseignants, pour leur montrer qu'elles n'ont pas tout à fait leur place là. Alors évidemment, ça va des blagues, que beaucoup de gens tolèrent encore, les blagues sexistes, et malheureusement jusqu'aux violences. Et puis l'orientation, alors je vais passer vite là parce que J'ai déjà évoqué ce système de l'orientation. Donc, je sais que Jean-François Condette vous a fait de l'histoire ce matin, mais de rappeler que c'est une question intrinsèquement politique. L'orientation, c'est d'abord une question politique avant d'être une question intime de soi, de qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus grande ou plus grand. En 1889, quand on crée les lycées de jeunes filles, on est fier de ne les préparer à aucune carrière, mais de ne viser qu'à fabriquer des mères de famille dignes de leur tâche d'éducatrice. Elles n'ont toujours pas le droit de vote, les femmes, à cette époque-là, rappelez-vous, et elles ne passeront pas le bac non plus. Il faudra attendre 1924. Mais les politiques ont la main outillée par les scientifiques de l'époque, dont Paul Broca, qui est un grand scientifique par ailleurs, mais qui ne peut pas s'empêcher de dire qu'il faut choisir ce qui peut être le plus utile, insister sur ce qui convient le mieux à leur nature, de leur esprit. Il est très essentialiste à leur future condition de mère de famille et donc les dispenser de certaines études pour faire place aux travaux et aux occupations de leur sexe. Vous voyez, détermination biologique, les langues mortes sont exclues, les cours de philo sont réduits aux cours de morale. À cette époque, ce sont les humanités. Et l'enseignement scientifique est rendu au plus élémentaire. Voilà. Bon, vous savez sans doute qu'il y a une 6e convention interministérielle qui a été signé le 25 novembre à la fin du Grenelle sur les violences. Ça fait jamais que presque 2 ans qu'il n'y avait plus de conventions sur lesquelles les professionnels pouvaient s'appuyer. C'est dire que ce gouvernement est empressé. Je suis libre de parole, hein. Est empressé, mais même quand je travaillais encore, je le faisais aussi. C'est empressé sur ces questions-là, hein. Alors, la convention, vous pouvez la télécharger, c'est former l'ensemble des personnels à l'égalité. Ben, la première convention de 1984 disait cela, et la première circulaire de 1966 disait aussi qu'il fallait former. Donc, il est impératif de développer massivement la formation. Qui, comment, quoi, on ne sait pas. Donc, voilà. Et puis, alors, l'orientation. Donc, j'ai regardé ça, bon, ça fait une page et demie, hein. Donc, on s'engage à ce que les garçons et les filles découvrent tous les métiers, à faire évoluer leur représentation. Vous voyez, on n'est pas centré sur comment le système de l'école distille ces représentations sexuées et genrées. On est focalisé sur les élèves eux-mêmes. Ils ont des représentations. Alors, on ne sait pas d'où elles leur sont tombées, ces représentations, mais le système, lui, il n'y est pour rien, apparemment. Ça aura des effets immédiats sur l'épanouissement et la réussite des élèves. Alors ça, c'est des phrases, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Et alors après, on rentre un peu dans le concret, si on peut dire. Les garçons n'existent pas. Dès qu'il est mention du sexe, c'est les filles. Sensibiliser les étudiantes à la gestion de leur carrière et aux fonctions de direction de management. Parce que les garçons, eux, savent très bien gérer leur carrière. Oui, certains d'ailleurs, oui. Sensibiliser les filles au métier du numérique et lutter contre les stéréotypes associés à ces filières. Parce qu'il ne s'agit pas de sensibiliser les garçons au métier de la petite enfance, au métier de l'éducation, au métier du care, de l'aide à la personne, etc. Alors que ce sont des métiers en tension. Ça recrute largement autant que les métiers du numérique. Sauf que ça paye moins, valence différentielle des sexes, c'est des trucs de femmes. Donc il faut avoir des qualités de femmes, donc c'est pas payé, ça ne donne pas beaucoup d'estime sociale et de reconnaissance sociale ou de considération sociale. Et puis on a écarté de ces champs-là les garçons depuis tout petit. Donc les garçons, donc atteindre 40% de filles dans les filières scientifiques du supérieur, pourquoi 40%? Elles sont 55%. Vous voyez comment on biaise, 40%, c'est drôlement ambitieux, vous vous rendez compte? Elles sont 55% dans l'enseignement supérieur, donc il faudrait viser le 55%. Puis se demander pourquoi les garçons ne sont pas plus nombreux dans l'enseignement supérieur aussi. Hein. Et puis 30% dans les filières techniques. Alors, vous voyez, l'ambition, là on n'est plus qu'à 30%. Bah, je ne sais pas, moi je suis peut-être trop critique, mais quand même, au bout de plus de 30 ans de travail dans ces questions-là, moi je commence à m'impatienter un petit peu, quoi. Alors, il faut promouvoir les formations scientifiques auprès des filles. Et il faut faire du numérique un vecteur d'emploi pour les femmes. Initier les filles aux carrières majoritairement masculines. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Il y avait d'autres choses, mais je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci. On a un peu de temps pour des questions ? Ou des remarques? Oui, vous inquiétez pas, la conclusion de toute manière était beaucoup plus rapide que les 30 minutes. Je vous propose, on se donne 10 minutes et puis je conclurai vraiment en express le temps de remercier tout le monde. Voilà. Y a-t-il des questions ? des remarques ou des témoignages. Ah oui. Ça pouvait pas être plus haut. Non, non, pas de problème. Je fais des pas comme ça. Alors, vous avez abordé les fameuses blagues sexistes, enfin, les fameuses, voilà. Comment réagir dans le quotidien, quand on est un homme ou une femme, à un sexisme bienveillant, à des remarques qui relèveraient du sexisme bienveillant? Les blagues, c'est ou pas mal, ou des grosses blagues bien lourdes. Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut... C'est pas la même chose, hein, non, sexisme non, bienveillant non. et ordinaire. Voilà, peut-être... Vous parliez des blagues. Ouais. Réagir au sexisme bienveillant, et on clive les choses alors. Dans les deux cas, comment faut-il réagir? C'est pas pareil. Les blagues, peut-être qu'une première attitude, c'est de ne pas rire. Je terminais d'ailleurs mon diaporama avec les propos de la chef du service juridique du défenseur des droits, que j'avais connue quand elle était à la HALDE, Sophie Latraverse, s'appelle-t-elle, et qui dit... En matière de discrimination de sexe ou autre, ne rien dire et ne rien faire, c'est être complice. Mmh. Donc, une blague sexiste, comme une blague raciste, etc. Mais là, on est sur cette question-là. Déjà, on ne rit pas. On ne se rend pas complice. On ne rit pas avec les hommes contre les femmes. Mmh. Et puis, il faut oser après dire, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il y a de drôle dans cette histoire? Et là, vous allez voir... que les gens vont être très embêtés autour de vous. Parce que c'est pas tant... Enfin, ce qui est drôle, c'est de dévaloriser, c'est de se moquer, c'est de dévaloriser, c'est de stigmatiser les femmes, ou les noirs, ou les arabes, si je prends un autre registre, ou les homosexuels, pour les blagues homophobes. Donc, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Moi, j'aime beaucoup utiliser cela, emprunter... au domaine juridique, c'est pas à moi de te prouver que j'ai raison en te disant ceci ou cela, c'est à toi de me prouver que tu as raison quand tu dis ça ou quand tu fais ça. Et je vous assure, ça change beaucoup de choses, c'est beaucoup plus économique pour soi d'ailleurs, et ça accule l'autre au mur, le dos au mur, parce qu'arrive un moment, les gens finissent par vous dire bah, parce que c'est comme ça, et puis alors tu vas pas nous embêter pour une blague, c'est pas grave. Non, mais ça va être t'as pas d'humour, enfin. Pardon. Ça va être souvent t'as pas d'humour ou. C'est souvent ça, un peu le... Ah oui, t'as pas... c'est voilà. Parce que je n'entends pas très bien ce que vous dites. La réaction de la personne alors, qui se retrouvait accusée. Mais c'est du bonheur quand on vous dit ça. T'as pas d'humour. Ah bon? Explique-moi ce qu'il y a de drôle. D'accord. Parce que si tu m'expliques, peut-être que ça va me faire rire. Voilà. Bon, je suis pas là. Enfin, vraiment, j'ai pas la prétention de donner des recettes. J'ai juste non, un mais peu quelquefois, on est désarçonné. On entend des horreurs au quotidien. Oui. Au travail, j'ai l'impression qu'on entend également beaucoup de propos sexistes qui sont des propos de femmes par rapport aux hommes. On a dans par notre exemple. Établissement beaucoup plus de femmes et elles ont des propos sexistes par rapport aux hommes. C'est-à-dire par exemple, les hommes seraient moins capables d'écouter une conversation longue. Les hommes seraient c'est moins capables... C'est un stéréotype, oui. Voilà. C'est pas du sexisme. Alors, entendons-nous bien. Ce que vous venez de dire existe, je mets absolument pas en doute, mais c'est un stéréotype. Les hommes n'ont pas d'émotion, les hommes ne sont pas sensibles, hein, par exemple, ou ne savent pas écouter une conversation trop longue. Tout ça, ce sont des stéréotypes, c'est-à-dire on leur attribue des caractéristiques qui leur seraient propres. Ce qui est sexiste, c'est quelque chose qui a pour but de stigmatiser, de dévaloriser, d'humilier, de discriminer. On n'est pas dans ce cas-là. Le dernier rapport que j'ai piloté au Haut Conseil à l'égalité était le rapport sur le premier état des lieux du sexisme en France, qui est la seule commande que fait le ou la Première ministre au Haut Conseil à l'égalité. Donc autant il y a un état des lieux du racisme en France depuis, je crois, 1994, sans le sexisme, jamais. C'est donc le premier du nom. On n'a pas eu un centime pour le faire, je dis ça au passage. Dire aussi au passage qu'au Haut Conseil égalité, personne n'est payé, c'était en plus de notre charge de travail ordinaire et complètement gratuitement. Zut, alors du coup, vous êtes... Attendez, oui, on donne une définition, on donne une définition du sexisme. Et il y a un moment, on a fait un paragraphe. Donc, vous allez sur le site du HCE, vous les trouvez, hein, les rapports sur la formation des enseignants à l'égalité, et puis celui sur le sexisme qu'on a remis en janvier 2019. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Donc, un petit peu une foire aux questions comme ça, est-ce que les femmes peuvent être sexistes? Est-ce que les hommes peuvent-ils être victimes de sexisme, etc. Et les réponses qu'on apporte, les hommes peuvent être discriminés au titre d'être des hommes quand ils ne sont pas dans les rôles de sexe traditionnels et qu'ils veulent endosser des rôles de sexe plutôt aux femmes. Par exemple, des hommes peuvent éventuellement être discriminés dans certains types de métiers qu'on pense vraiment mais spécifiques aux femmes, par exemple sage-femme, par exemple puériculteur. Alors les garçons qui veulent aller faire les formations, les métiers traditionnellement suivis, exercés par les femmes, en cours ce que j'appelle une double voire triple disqualification. La première, une disqualification identitaire. T'es un garçon, tu veux faire un truc de fille, c'est que t'es un PD. Je vais vite, hein, parce que, mais je peux m'en expliquer dans les couloirs si vous voulez. La présomption d'homophobie, d'homosexualité, c'est de l'homophobie, quand un garçon veut faire les trucs de fille. Enfin, franchement, on ne voit pas le lien, personne n'est capable de nous l'expliquer, mais ça marche dans beaucoup de têtes. Deuxièmement, une disqualification économique et sociale, c'est-à-dire c'est aller faire des trucs moins valorisés socialement, moins bien payés, etc. Et puis pour ceux qui veulent aller dans les métiers de la petite enfance, une disqualification morale, c'est-à-dire être soupçonné et d'être homosexuel et pédocriminel. Il y a une association, hein, c'est Mike, je ne sais plus son nom de famille, l'association pour la mixité des emplois dans la petite enfance, hein, qui milite pour l'emploi des garçons et des hommes. Donc les hommes peuvent être discriminés, mais quand ils se mêlent de vouloir endosser des rôles de sexe qui ne leur sont pas réservés et qui semblent vraiment spécifiques aux femmes, soi-disant presque naturellement. Alors, quand on dit un homme ne sait pas écouter une conversation, c'est un stéréotype, c'est pas sexiste. Le sexisme, c'est vraiment... Enfin, j'ai jamais entendu des propos qui fassent qu'on pense que l'ensemble des hommes est inférieur à l'ensemble des femmes, parce que c'est ça, le sexisme. C'est cette fameuse valence différentielle. C'est comme le racisme. C'est quand même tout ce qui est raciste, de la blague à la violence ou au crime raciste, c'est légitimé par... la conception notoire et généralisée de l'infériorité des non-blancs par rapport aux blancs, et particulièrement des noirs par rapport aux blancs. Et bien c'est pareil avec les femmes et les hommes. Donc les hommes ne sont pas dans une situation de sexisme. Je ne sais pas si je suis assez claire. Si ? Mais peuvent être objet de discrimination et de stéréotypes, ça oui. Y a-t-il une dernière question avant la conclusion de la journée ? Il s'appelle Yann, c'est un homme. D'abord, merci pour cette présentation et pour tous les éléments que vous nous avez apportés. J'ai deux petites questions. La première, c'est... comment est-ce qu'on peut porter ces analyses et ces petits conseils que vous donnez à la fin sur la réaction que tout un chacun peut avoir dans le quotidien, plus largement que dans un contexte dans lequel la plupart des personnes qui sont venues aujourd'hui à cette question sont venues parce qu'ils ont déjà cette préoccupation. En gros, la question du passage à l'échelle. Et ça vient sur la deuxième question qui est comment on pourrait concrètement changer structurellement les choses. Vous expliquez que ça fait 30 ans que vous observez et qu'en disant, en laissant et en attendant, manifestement, ça n'a pas permis d'aller dans la bonne direction. Et du coup, je voulais avoir votre avis sur la question des quotas, notamment. Et je suis en informatique, je suis en DUT informatique. De quotas de genre, parce qu'on le prend dans les deux sens. De sexe. Si chaque fois vous vous dites genre, système de normes, vous verrez, vous ne l'emploierez plus à la place de sexe. Système de normes, ok. Voilà. Bon, j'ai très peu de temps, je crois, pour vous répondre. Alors déjà, la première question, c'est comment divulguer plus largement. Alors d'abord, il y a des ouvrages qui existent de vulgarisation. On est un certain nombre de chercheurs et des chercheuses à oublier quels sont les critères de publication dans nos équipes de recherche pour l'évaluation de la HERS, et qui, par exemple, donc je vais d'abord vanter quelqu'un qui n'est pas moi, Isabelle Collet, qui a écrit « L'école apprend-elle l'égalité ?» Donc Isabelle Collet, ancienne informaticienne, vous la connaissez, extrêmement spécialiste et qui forme à Genève les personnels de l'éducation. Mais faites-les connaître. Mais enfin, alors, les micro-résistances, chaque... Je tiens quand même à dire que dans le premier degré, alors sans doute ma collègue pourrait le dire pour le second degré, mais nous avons quand même entamé une action volontariste qui mettra un certain temps à porter ses fruits, certes, mais toutes les circonscriptions ont eu en dotation cet ouvrage, par exemple. Et puis quand vous savez qu'il y a quelque chose qui à vos yeux, a une pertinence, mais parlez-en. Le premier outil, c'est nous. Donc soyons des acteurs et des actrices au quotidien de tout ça, bien sûr. Alors moi j'ai écrit les métiers dans la même collection, hein, c'est donc on a les mêmes critères de publication, donc c'est des choses qui se lisent en 2 heures. Là par exemple vous avez en gros le résumé même de ce que j'ai pas eu le temps de vous dire. J'ai apporté ces deux-là parce qu'ils sont en lien direct avec la conférence, enfin la thématique de la journée. Donc il y a ça, il y a ce que dit Isabelle Collet, c'était une diapo que j'ai pas pu passer, enseigner est un métier qui s'apprend, enseigner de manière égalitaire s'apprend également. Donc, moi je trouve, depuis le temps que je suis dans ce bain-là, qu'il n'y a pas assez de demandes, de revendications du côté des personnels de l'éducation nationale, via leur syndicat ou pas, à réclamer une vraie formation initiale sur toutes ces questions-là et des stages chaque année en formation continue là-dessus. Dans ce rapport que j'ai piloté au HCE sur la formation à l'égalité, faire des personnels enseignants l'expérience de l'égalité, donc sur la mise en place de ces fameux modules de formation à l'égalité qui devaient être dans les SP à l'époque, c'est pas si vieux que ça, hein, mais c'était encore SP, une ligne dans le tronc commun, etc. Comme je le disais à midi, 32 SP, 8 qui répondent pas, ça veut dire 8 SP qui ne font rien, qui ne répondent pas au questionnaire, parce que sinon elles nous l'auraient fait savoir, elles avaient tout intérêt. Sur les 24 qui restent, ça va de 2 heures de conférence, comment on va bouger des pratiques professionnelles en 2 heures de conférence, à parfois plus, mais du coup, c'est optionnel, quoi. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Et la dernière convention que je vous ai lue rapidement, vous avez vu, faudrait former massivement. Alors, il faut un texte du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui dise, dans toutes les INSPE, il y aura un module obligatoire dans le tronc commun qui fera 30 heures minimum avec un cadrage d'horaire. C'est pas le ministère qui va imposer le contenu. On peut donner, enfin, il y a bien des programmes scolaires, hein, donc quand vous passez les concours, vous apprenez des choses qui sont bien dictées, c'est pas seulement la volonté de vos enseignants, de vos enseignantes. Donc là, il la faut, cette volonté politique, elle manque, mais revendiquez-la. Moi, j'ai pas vu de grève, j'ai pas vu dans les manifestations de banderoles sur ces questions des inégalités de sexe à l'école et que ça devrait cesser, comme toutes les autres inégalités. Sauf que les inégalités de sexe, c'est pas pour euphémiser les inégalités de classe sociale, mais elles traversent les classes sociales. L'inverse n'est pas vrai. Alors après, je ne sais plus, la formation, oui, s'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de la formation, mais demandez. Moi, combien de fois j'ai été sollicité en amont pour intervenir dans des formations continues dans telle ou telle académie et que 3 semaines avant, on m'appelle en me disant elle est annulée parce qu'il y a 5 personnes qui sont inscrites. On ne peut quand même pas dire, je ne parle pas à vous qui êtes là, puisque vous me prouvez que si vous êtes là, c'est que vous êtes très motivé pour le sujet. Mais ce n'est pas un sujet qui agite. Vous savez ce que les SP qui ont répondu à l'enquête nous ont cité comme frein, parce qu'on leur demandait quels sont les freins à la mise en place de tels modules de formation et puis les facteurs facilitants. Le frein, le désintérêt des stagiaires pour la question. La troisième question, je ne me rappelle plus. Les quotas, mais je ne sais pas de quoi on parle là. Les quotas dans les conseils d'administration du CAC 40. Non, mais ce n'est pas une ironie parce qu'il y a une loi, Copé-Zimmermann, sur ça. Il y a une loi qui impose des quotas dans les formations ? Alors, expliquez-moi concrètement de quoi vous parlez parce que je ne suis pas au courant. C'est la sélection et je parle des formations, mais c'est effectivement ce que j'ai vu. Bah, c'est le problème de la sélection. Oui, on sélectionne. Voilà. Oui. Et donc la question des quotas dans les filières où il y a cette possibilité de sélection. Mais attendez, c'est mis en place, il y a des quotas, on dit aux gens dans les jurys, il faudra qu'au final, il y ait 50% de filles en DUT de production. Il y a des quotas qui sont imposés qui... Non, vous me demandez si je serais pour des quotas. Ah oui, c'est vrai que ça marche mieux comme ça, en fait. Ben, alors, quand on veut changer les équilibres dans des formations sélectives, il y a la mise en place de quotas. Très concrètement, quand on veut, par exemple, qu'il y ait plus de bacheliers techno que généraux, on met en place des quotas. C'est ce qui s'est passé pour les DUT. Et donc, je posais la question des quotas. Je ne suis pas du tout au courant de ces mesures-là. On met en place des quotas, c'est-à-dire on dit il nous faudra 40% de tel type oui, d'élèves, c'est ça? C'est ça. Ah oui, et d'accord. Débrouillez-vous pour y arriver? Oui, c'est ça. Mais c'est pas dit, ça. C'est pas. Non, mais je veux dire, la loi sur les quotas dans les conseils d'administration, c'est explicite, c'est transparent. C'est des pratiques, là. C'est... On vous incite à. Alors, c'est quand ça c'est une pratique où. Je vais le rectorat qui fixe. Je vais vous répondre. Moi, j'emploie pas le terme de discrimination positive parce que c'est un petit peu. Alors que discriminer veut simplement dire séparer, juger et séparer, mais après, ça a pris une connotation juridique différente. Je suis plutôt pour l'appellation des actions positives. Alors, personnellement, je ne suis pas contre des actions positives qui sont juste là pour combler le manque, les injustices, les préjudices subis par telle ou telle catégorie de personnes pendant, depuis, etc. Donc, s'il y a des mesures à certains moments qui sont là pour rattraper, comme on va rattraper les différences de salaire, ou etc., je ne suis pas choquée outre mesure. Dans la question de l'orientation, évidemment, mais moi je suis en amont là, j'avais été chargée de mission au cabinet de Ségolène Royal quand elle était à l'Éducation nationale et elle m'avait posé à peu près la question que vous me posez en me disant, et si on mettait des quotas de nombre de filles dans la filière scientifique, la filière S? Et je lui ai dit qu'elle allait avoir le monde de l'éducation et des parents sur le dos et que peut-être c'était pas la bonne mesure parce que l'orientation est vécue comme une expression de la liberté de choix des familles et des jeunes. Donc on ne pourra pas imposer à des personnes qui ne choisissent pas la première S d'aller en S. Enfin, je me fais comprendre. Elle a abandonné assez vite l'idée, mais parce qu'il y a eu quelqu'un, son directeur de cabinet, qui a été plus convaincant, enfin qu'elle écoutait mieux que moi. Mais Dieu merci, il m'a aidé sur cette affaire-là. Mais là, on est sur la sélection. S'il est prouvé... Et c'est vrai que ça existe dans certaines sélections. Je ne sais pas celle dont vous parlez, si c'est le cas. Où certaines catégories de personnes sont défavorisées. Ça peut être les filles, ça peut être des enfants issus de l'immigration. C'est-à-dire, dans le toute chose étant égale par ailleurs, le fait d'être fille, ou d'être noire, ou d'avoir un patronyme maghrébin, ou d'avoir peut-être une petite situation de handicap, va faire que toute chose étant égale par ailleurs, vous n'aurez pas la même probabilité d'accès à la filière ou à l'entretien d'embauche, parce que ça a été, les testings ont été beaucoup faits sur les entretiens d'embauche. C'est toujours le même CV, mais on fait varier, c'est une femme, c'est un homme, c'est un noir, etc. La personne est un peu en surcharge pondérale ou pas, enfin bon. Et c'est manifeste, quoi. On marche à ça. Vous savez qu'il y a des pays nordiques, je ne sais pas si maintenant ça se fait en France, pour recruter dans les orchestres philharmoniques ou autres. On fait jouer maintenant les musiciens et les musiciennes derrière un rideau. Parce que le... Pardon ? Oui, je crois que ça... Oui. Alors, d'accord, mais sinon, on est d'accord que ça veut dire... Là, après, il y a un biais qui est introduit, enfin, ils essayent de savoir quand même, mais du coup, ça renforce bien l'idée... que c'est pas une élucubration, c'est que c'est bien vrai que quand on voit si c'est une femme ou un homme qui joue, eh ben ça biaise le jugement du jury. Donc quand on est dans de la sélection, si on a objectivement conscience qu'il y a des catégories d'élèves, de candidats ou de candidates qui sont défavorisés, toutes choses étant égales par ailleurs, alors oui, je suis pour une prise de conscience de ça et des mesures entre guillemets compensatoires. Oui. Je n'appelle pas ça forcément des quotas. Moi. Et quotas, ça veut dire qu'on veut tant de pourcents. Et qu'on s'y prendra comme on veut, mais il nous faudra 30% de filles ou 30% de non-blancs ou 30% de personnes en situation de handicap. C'est un sujet complexe hein, que vous avez soulevé. On pourrait échanger encore plus longtemps. Je relève juste trois points et je vous le fais en hyper accéléré sur lequel je suis satisfaite de cette journée. Le premier point, c'est que la présence ici des étudiants correspond exactement à l'idée que je me fais de l'importance de former les enseignants à et par la recherche. Vous avez entendu des chercheurs dans les deux plénières. Vous avez eu l'occasion de rencontrer également des professionnels et des chercheurs dans les ateliers. Et pour le coup, puisqu'on parle d'égalité garçons-filles, la question d'attirer les garçons dans les métiers des enseignants, c'est aussi le fait de montrer que le métier d'enseignant est un métier de cadre. Et pour pouvoir former des cadres, il faut former des gens qui sont bons du point de vue de la recherche. Donc c'est ma première satisfaction pour laquelle je pense que cette journée, elle répond pleinement à la manière dont je souhaite qu'on forme les enseignants, excusez-moi, et bien évidemment les psychologues de l'éducation nationale, tout le personnel éducatif. Je ne voulais surtout pas oublier cette part-là. La deuxième satisfaction, c'est aussi la pluralité des intervenants. Ça fait longtemps que je travaille en fait avec le groupe de travail départemental sur l'égalité garçons-filles avec Sandrine et Patricia, et pour lequel je me rends bien compte que ça ne fonctionne aussi que si on arrive à se rencontrer dans ces lieux-là, ce qui nous permet en fait de pouvoir réajuster un certain nombre d'éléments. Moi, j'ai découvert beaucoup d'actions qui se font sur le terrain et pour lesquelles que je soupçonnais pas forcément et pour lesquelles ces journées-là sont aussi un bon moyen en fait de continuer à travailler de ce point de vue-là. Donc, je remercie vraiment les personnes du groupe de travail et ça me semble être important. Et la dernière chose, c'est la pluridisciplinarité. À titre personnel, j'étais très contente de voir que les historiens pouvaient s'emparer de la question des stéréotypes. Je m'étais dit, vraiment, j'aurais jamais imaginé pouvoir un jour discuter de stéréotypes avec mon collègue Jean-François Godet, probablement une fausse représentation de ce qu'est l'histoire, mais pour lequel on se rend bien compte que c'était stéréotype, ouais. Mais on se rend bien compte que sociologie, psychologie, sciences de l'éducation, histoire, j'en ai oublié plein d'autres, mais peuvent nous permettre de pouvoir appréhender ce problème complexe et que juste voir cette problématique-là par un élément, ça semble assez pauvre en termes de compréhension. Il me reste à vous remercier parce que je vous remercie également vous, le public, qui avez été ultra attentif. Pas un téléphone portable qui sonne. Alors là, chapeau. Je retiens cette journée avec un point tout à fait positif. J'espère que ça vous a stimulé, agité sur un certain nombre d'aspects. Et je vous souhaite une bonne soirée. Rentrez bien. La grève commence à 19h. Il faut y aller. Voilà. Au revoir.